chez les Watts. Psychothérapie. Peut-être une victoire française et un maillot jaune, peut-être. Franck Fitzik. Et oui, c'est vrai qu'avec lui, on n'est jamais déçu. Il y a toujours quelque chose à dire. Let's sort de ce corps. Je vois là-bas le peloton. Ils sont pas venus, les petiotes, quand ils les ont appelés. Ah bon? Ouais. Bon, et puis j'ai commandé 4 tonnes d'aliments pour jeudi ou vendredi prochain. 4 tonnes? Ouais. Pourquoi 4 tonnes? Tu veux les mettre où? Parce qu'il y avait une promo. il est allé voir, il a dit on va mettre à gauche et à droite. 2 tonnes à gauche, 2 tonnes à droite. Il dit il faut livrer maintenant, comme ça on est sûr que ça porte. Ouais. Et comme ça vous êtes tranquille jusqu'au 15 janvier. Au 15 janvier, vous serez dans votre bâtiment, il y aura le chemin qui sera fait. Et 4 tonnes, tu vas le mettre dans quoi? Dans 2 big bags, 2 de chaque côté. Moi je ne peux pas 2 tonnes. Non, mais il va les livrer en hauteur. Ah oui. Et il nous donne 3 big bags d'occasion pour stocker. Et par contre, il faut faire un trou dans le bardage plastique de 50 cm sur 50 cm pour que la goulotte elle puisse aller critiquer le poids. Pourquoi ça peut pas en granuler ? Parce qu'il a pas cher et que ça fonctionnera bien. Donc il y a du tritical poids en C2 et du tritical poids en bio. Et donc il est à 350 € et l'autre il a 480, il fait moitié-moitié. Ça fait donc 400 €. Mais on n'a pas le droit d'être 30% en C2. 30% en C2, ça fait maximum 10 tonnes sur 12 mois glissants. Oui, mais là c'est moitié-moitié, on n'a pas le droit. Non, mais c'est sur 12 mois glissants. On est déjà à 30% sur la première partie. Non, c'est considéré bio. Sur les mélanges. Bon, alors raconte. Enfin, toi, écoute, tout blanc. On a 4 nouvelles collègues. Ah. Donc une personne qui travaille en service civique, une nouvelle AVS, une ancienne AVS qui devient maintenant celle qui est ménagère, qui devient un documentaliste. Puis la dame que j'ai vue la mi-juillet, qui va faire un peu d'info. Donc ça a donné lieu à qui recommence à écrire l'histoire, il s'est écouté parler pendant 4 ans. Surtout que c'est vraiment, je limite mon risque, il n'y a que ça qui compte. Donc il repasse bêtement les discours des inspecteurs, en faisant croire que c'est pour le bien des élèves et tout, le bien des profs, tu vois. Juste assume ta décision. Donc ça c'était un peu compliqué. Et en fait, ça c'était tout le matin. Ouais. Ce qu'il t'a dit ? En fait, moi, si tu veux, comme beaucoup de gens je travaille pour l'enseignement agricole, mais c'est pareil pour dans l'éducation nationale, le seul pouvoir qu'un chef d'établissement vis-à-vis d'un prof, c'est de te pourrir la vie avec un emploi du temps pour eux. Donc moi j'ai le principal, c'est-à-dire je travaille sur lundi, mardi, mercredi, mais à l'intérieur de mon lundi, mardi, mercredi, j'ai quand même des gros trucs vraiment chiants à gérer. Donc par exemple, aujourd'hui, on n'a plus le droit de virer de cours un élève. Alors qu'il y a virer et virer, c'est-à-dire à l'ancienne, tu mettais quelqu'un au piquet, c'est ça qu'il a dit, je dis mais on s'en fout. Juste par moment, le gamin, il a besoin de 30 secondes pour respirer, il est trop sous pression, et c'est une sorte de contrat entre le gamin et moi, et il va respirer 30 secondes, il revient. Et là, avec le Covid, s'il se barre, machin... Bah, il n'est pas plus dangereux que quelqu'un. Non, mais... S'il se barre comme s'il était pestiféré. Ça, c'est comme la première décision du gouvernement à la semaine du 17 mars, c'était de revenir sur le droit du travail. Hein. Ouais. Donc, le nombre d'heures maximales qui peuvent de 48 à 60 heures. Donc, t'as plus le droit de mettre au piquet, moi. Voir le cinquième de congé payé. Il parlait même de revoir la cinquième semaine de congé payé, de supprimer. Ah, c'est George Orwell qui avait dit on retournera au travail et on vous interdira de marcher, de danser, de sortir. Et puis je sais plus la fin, mais exactement, c'était exactement ça. Donc la suspension des RTT, enfin il y a eu tout un truc comme ça. Mmh. Et là, devant le MEDEF, là, Castex avec sa voix du sud-ouest. Là, puisque c'est qui Castex ? C'est le Premier ministre. C'est devenu un argument politique. J'ai loupé une main. Ben non, mais personne ne le connaît. Donc la première chose qu'il a dit, c'était confirmer les mesures qui allaient maintenant être pérennisées dans la loi. collègue, soi-disant prof d'info, qui essayait de se connecter avec son adresse Gmail sur le portail de qu'est-ce qu'elle faisait? Elle... Parce que nous, avec, le, avec l'enseignement agricole privé, on a un compte autour de 365 qui est assez avec vraiment pas mal de soft en ligne. Donc elle essaie de se connecter sur son Gmail avec le portable, le portail Office. Ah oui, d'accord. Même moi, je le fais pas. Mais par contre, non, mais elle est quand même pas câblée pour comprendre ce qui se passe, parce que, enfin, c'est ça que tu veux dire, je pense. Comme a dit un de mes copains, ça a pas l'air d'être le crayon le mieux taillé de la trousse. C'est sympa. Pour le marché, neuf, ça va te coûter 10 000 euros moins 35%, d'accord. Et si tu l'achètes chez eux, même un peu vieux, il est à 2 000. Ouais, mais il fait 3 mètres. M'en fous. Ben non, mais après, il y a des places de marché où c'est pas 3 mètres de disponible, c'est 2. Et du coup, quand c'est trop grand, tu peux pas placer ton truc. Alors qu'on n'en a pas besoin, puisqu'on va pas avoir besoin de 3 mètres de lignée. On mettra plein de pots de miel. Je pense que... Et alors, ce qu'elle avait pas... Et puis, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles elle répond pas. Ce qu'elle a vraiment sous-estimé, c'est que Catherine, avec son métier, connaît tout le monde. Tu vois, les gens de la... Tous les gens que j'appelle de la à la chambre d'agriculture, je les ai eu en stagiaire en fait. Pour mon projet. Du coup, mais Catherine, on se connaît, bah oui, voilà. Donc les rôles sont inversés, mais ça se gère plutôt bien parce que moi je me la pète pas en formation. Donc non, mais n'empêche que toi tu connais tout le monde. Et donc la nénette de la MAP là qui m'a appelé tout à l'heure, en fait, je l'ai déjà vue. Donc je suis contente que ton projet avance, crac crac quoi. Voilà. Et donc. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, les gens de la chambre, ils se positionnent parce qu'ils connaissent Catherine. Ils sont choqués. De la réaction de Pierre. Tu vois, l'idée d'un magasin de producteurs, c'est vraiment d'investir ensemble, avec l'aide de la communauté, pour avoir un magasin en local. Donc, ce n'est pas une idée de valorisation, tu sais, de valorisation de fonds de commerce. Et là, ils sont choqués. Quand je leur ai dit, on est passé de 20 à 40 000, ils m'ont dit, honnêtement, ça ne m'étonne pas d'eux. Mais c'est pas l'esprit, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit, dans le sens, c'est pas juste. Ils ont quand même dit, ça m'étonne pas d'eux. Non, ça m'étonne pas d'eux. Ouais. Bon, allez, on a du boulot, nous. C'est quand même bien agréable, la campagne. Surtout comme ça, là. Là, on est bien tranquille, en Bretagne, il fait beau. Il a fait chaud aujourd'hui, d'ailleurs. Enfin, chaud. C'était correct, quoi. On a eu du 26, 28. Et bon, après, j'étais en plein soleil en train de ramasser des patates et d'enlever des mauvaises herbes dans les carottes. C'est sûr qu'on prend des coups de soleil rapidement. Bon, ça va que j'en ai pas pris. Mais bon, il faudrait pas trop s'exposer. Un bronzage paysan, hein, c'est clair, on le cultive. Je regarde mes pieds, là, mon Dieu, quelle marque. C'est fou. Bon, vous avez compris que j'étais chez Catherine et Benoît, hein. Et les fameuses personnes qui ont construit cet écolieu dans lequel je me trouve, et qui sont actuellement en transition, si vous avez écouté l'épisode précédent, en transition vers une activité agricole, qui est donc la production de fromage de chèvre. Et donc il y a des biquettes, une quarantaine à peu près, je crois. Hein. On n'est pas loin de Rennes. Et donc ils travaillent, eux, à côté. Ils ont toujours leur boulot, ou en tout cas des boulots à mi-temps, etc. Et ils lancent leur activité là depuis 2 mois, donc ça fait vraiment pas longtemps. Mais à côté de ça, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont construit, puisque il y a 10 ans, ils ont construit cette magnifique maison, immense maison éco-construite. Donc elle est en bois, en paille et en plaque de cellulose, je crois, mais je suis pas sûr. Un truc compressé à la vapeur, c'est très très beau, c'est bien construit. Là, je suis désolé, il y a un bouc noir qui vient de se pisser sur la barbichette. Qui me regarde, alors je me méfie qu'il me repisse pas dessus parce que j'étais dans la direction de son urine, je l'ai esquivé de peu. Et oui, donc autonome en fruits, presque autonome en fruits, autonome en légumes, autonome en électricité, il y a deux. Attendez, je suis en train de regarder. Ah si, mais attends, il recommence là. Mais quel croc dégueulasse. Il me monte ses dents à la Bectélé. Bectélé, il y a une tête, mon Dieu. Franchement, il lui manque que des cornes et on dirait un symbole satanique, hein, ce truc. 2, 4, 6, 8, il y a 10 panneaux. 10 panneaux solaires qui gèrent l'électricité. Donc là, ils m'ont dit vraiment qu'en été, il n'y avait aucun problème de consommation et qui se faisaient un peu plaisir sur certains appareils, notamment des trucs électriques pour faire de la compote, ce genre de choses, pour aller beaucoup plus vite. Et l'hiver, par contre, bon, ils se restreignent un petit peu, ils font gaffe à leur consommation, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de soleil par ici. Et ils ont aussi un chauffe-eau solaire, donc pareil, ça ressemble à des panneaux solaires électriques, mais c'est des chauffe-eau solaires, donc c'est la même chose. En fait, il y a des gros tubes d'eau qui passent dedans, tout part en noir, et donc ça arrive dans un chauffe-eau qui garde à température ou qui rechauffe en fonction de comment il est programmé quand ça arrive à la douche, quand tu demandes de l'eau chaude. Donc ça met un peu de temps à arriver, en fonction de ce qui a été produit aussi. Ça évite de trop pomper sur l'électricité, quoi. Donc accessoirement, ils ont un générateur au cas où, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas d'utilité là-dessus. Donc voilà, c'est un peu le genre de lieu. Ils ont fait du miel. Hier, ils ont sorti 100 litres de miel. Donc c'est quand même assez énorme en termes de production. Il y a 2, 4, 6, il y a une dizaine de ruches. Donc ça fait pas mal. Et ils font du fromage de chèvre. Donc j'ai pu assister à tout le processus, enfin pas tout, mais plusieurs étapes du processus de création de fromage de chèvre. C'est assez beau. On a même mangé ce soir de la faisselle qui avait été préparée ce matin. Oh là là, avec des framboises du jardin, un petit coulis là, avec un petit peu d'origan et de... Non, c'est pas de l'origan. Qu'est-ce qu'il a mis dedans? Il a mis du poivre et je sais plus. C'était très très bon, vraiment c'était très très bon, avec un petit sucre pour venir relever le jus là. C'était même un peu trop fort en termes de goût de framboise, quoi. Limite, imaginez un peu le truc. Donc ça a été très agréable, mais c'est assez fou, quoi. Le rythme, pour l'instant, il m'aboule, quoi. Parce qu'ils travaillent partiellement. Du coup, là, tu vois, il y a Benoît qui va se lever la semaine prochaine à 5h du mat pour faire 2h avec les chèvres, parce que sa femme sera pas là. Elle est en déplacement pour faire son autre boulot. Enfin, un de ces deux autres boulots, mais en déplacement à Paris, je sais pas où. Et du coup, c'est lui qui va gérer les chefs pendant son absence, pendant quelques jours. Donc le matin, il faut venir. Il doit revenir au midi pour filer à bouffer. Et le soir, s'en occuper aussi. Enfin, c'est un rythme de malade, quoi. Donc là, ils sont en train de quitter leur activité à côté. Le temps d'installer les chèvres et de se mettre en route, quoi. Parce que là, les nouvelles chèvres produiront du lait et du fromage, du coup, à partir de mars-avril de l'année prochaine. Donc là, ils vont arrêter d'ici septembre, décembre-janvier, quoi. Ça prend du temps, ça prend du temps. Mais bon, ça me permet de découvrir plein de trucs de leur production, de leur mode de vie aussi, qui n'est pas, en fait, si différent. Eux, pour l'instant, c'est pas si différent, hein. Ils ont une communauté, ils ont leur lieu, qui est vachement agréable. Voilà, ils sont pas coupés en termes de technologie, hein. Ils ont ce qu'il faut. Ils ont ce qu'il faut, enfin ce qu'il faut, ils ont ce dont ils ont besoin. PC, enceinte, ils ont de la sono, ils ont machine à laver, etc. Qu'ils utilisent évidemment avec parcimonie en hiver, quand il n'y a pas beaucoup d'énergie dans les batteries. Je le regarde encore une fois parce qu'il se tire et il revient, et j'ai pas envie qu'il me pisse dessus non plus. Parce qu'apparemment, c'est ça qui fait l'odeur forte du bouc, quoi, c'est le fait qu'il se pisse dessus. C'est dégueulasse, hein. J'ai vu ça, il fait un geyser direct dans sa barbiche, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle est grasse, mais en fait elle n'est pas grasse, elle est humide, c'est dégueu, hein. C'est pour attirer les femelles. Voilà. Qu'est-ce que je racontais? Je sais plus. Bon, c'est vachement agréable, ils sont extrêmement gentils. T'es laid. Tu me renifles, hein. Et il me monte ses dents là, mocheté. Hein. C'est vrai qu'il a pas de cornes, hein. Sinon je ferais pas le malin quand même. En tête à tête avec un bouc. Oh là là. Non, c'est vachement agréable. Donc voilà. Donc, c'est pour ceux qui connaissent pas le woofing, le principe, on va chez des gens qui sont en écolieu, en ferme, etc. Et on leur file un coup de main contre hébergement et repas. Donc là, en l'occurrence, hébergement et repas contre... Voilà, bon, aujourd'hui, j'ai fait quand même beaucoup de trucs. Mais bon, contre, en général, c'est 4-5 heures de travail par jour, ce qui n'est pas énorme, ce qui devrait être la norme, en fait, pour tous les travaux, pour tous les métiers. Mais bon, on n'est pas là. Et c'est vachement agréable, voilà. On a découvert plein de trucs sur le fonctionnement administratif, sur l'organisation, sur les achats de nourriture, etc. Le fauchage, comment ils faisaient tourner à l'intérieur la gestion de leurs déchets verts, etc. Qu'ils réutilisent évidemment sur le jardin ou aux poules, etc. Parce qu'il y a des poules aussi, attention. Il faut nourrir aussi les poules. Bon, ça prend pas beaucoup de temps, ça va. Et voilà, toute sa gestion, ce mode de vie, entre guillemets, et surtout de la création et du management d'espace, quoi. La gestion des espaces, où est-ce qu'on met quoi, qu'est-ce qui va avec quoi, quel fruit, quel truc. C'est vraiment super intéressant. Je trouve ça vraiment passionnant. De là à se plonger dedans et d'y faire sa vie complètement, sa vie, son métier, c'est moins sûr, mais c'est clair qu'avoir ça dans sa vie, c'est quand même très très plaisant, quoi. Donc là, on va voir comment ça se passe. Demain, ils sont absents tous les deux. Donc, je vais m'occuper des chèvres tout seul. Pas de la traite. On va faire la traite ensemble. Ben oui, j'ai appris à traire une chèvre aujourd'hui. C'est quand même fabuleux. Alors, elle m'a donné le truc le plus simple, celle qui était censée être le plus simple. Je vous avoue que j'ai mis 5 minutes pour y arriver. Mais voilà, j'ai appris à traire une chèvre aujourd'hui. C'était un grand jour dans ma vie. Et du coup, demain, je m'en occupe tout seul. Alors, pas de la traite, mais la nourriture, l'entretien, le changement. Voilà, il y a pas mal de trucs à faire. Évidemment, le faire moi-même, ça va être chaud. Surtout s'il faut les transvaser, les faire sortir, etc. C'est ça les trucs les plus critiques, hein. Parce que c'est là où on peut en perdre une, elle se tire, elle passe au-dessus d'une barrière ou quoi. Les mouvements, c'est compliqué, quoi. Je me souviens l'année dernière que j'avais été fait du woofing avec des moutons, c'était pareil, quoi. Les petits salopards, là, ils peuvent sauter des trucs de 1,50 m de haut. D'ailleurs, tu fais pas le malin quand il faut courir après, quoi. Donc là, ça. C'est vrai que les chèvres, en plus là les chèvres, il y a des grosses cornes, donc bon, elles sont souvent plus flippées que toi quand elles te voient, mais bon, on ferait pas le malin quand même. Hein. Après avoir vu le mec qui s'était fait exploser le genou par un bélier, je sais qu'un bélier c'est con, mais bon, quand tu vois la taille des cornes, bon, tu rigoles pas, quoi. Bon, écoutez, monsieur, dame, je vais vous laisser. J'espère que ces quelques jours à la ferme vous plaisent. Demain, du coup, j'essaierai peut-être de faire un peu d'ASMR de bergerie. Qui sait, ça peut être intéressant. Ça peut être rigolo. Vous donner un peu l'ambiance du lieu. Tant je serai tout seul, parce que bon, c'est un peu bizarre de faire ces enregistrements-là avec quelqu'un à côté, quoi. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone au milieu des biquettes? J'enregistre pour mon podcast, pour mon podcast. Ouais, ça marche pas, ça marche pas. Allez, bisous, monsieur, dame.